إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة du grand savant حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Dans le cours précédent, on a commencé donc à parler de ce terme qui est employé dans le din, dans la religion, qui est le kufr. Et on a vu, bien entendu, que c'est le contraire de l'iman, le contraire de la foi. C'est pour ça que le cheikh nous avait posé la question 160 qu'on va terminer aujourd'hui. Ma wa diddul iman. Abid, qui est donc le contraire. Abid, qui est donc le contraire. Donc la question était, quel est le contraire de la foi, l'iman? Quel est le contraire de l'iman? Et de nous répondre donc le cheikh que c'est le kufr. Que c'est le kufr. On a expliqué sa terminaison au niveau de la langue arabe et également au niveau du char. Et on a vu donc ensuite le rapport qu'il y avait entre les deux. Ensuite, le shia nous avait fait comprendre un point qui est fondamental au niveau de la religion, en terminant sa réponse à la question numéro 160. Mais avant cela, simplement un rappel qu'on va faire aux frères et aux sœurs. Dans les cours qui vont suivre et dans ce cours, on va beaucoup parler de terminologie. Et on va voir comment elles sont employées à travers le Coran et la Sunna. Et ça, c'est des points qui sont fondamentaux. Surtout pour le talib al-ilm. Surtout pour celui qui apprend la science. Pour celui qui apprend le din. Pourquoi? Parce qu'on voit que beaucoup de gens, malheureusement, qui se sont écartés parmi les musulmans, qui sont entrés dans des sectes, que ce soit le takfir, que ce soit d'autres encore, l'irja, etc., on voit qu'ils n'ont pas eu adopt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cette connaissance au niveau de la terminologie. Ils n'ont pas pu donc, à partir de là, comprendre nos sources, comprendre donc les textes comme il se doit. Et ils n'ont pu faire donc la différence entre les termes employés par le Coran et par la Sunna. Et comment, à tel moment, il va rentrer sous une catégorie, à tel moment, il va rentrer sous une autre catégorie, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, pour la plupart d'entre eux, qui sont ignorants, qui sont donc imprégnés de jahl, wallah al-musta'an. Donc, pour celui qui veut vraiment apprendre la science, talib al-ilm, il doit commencer par le commencement. Il doit débuter par le début. C'est la seule solution. Pour vraiment qu'ensuite, il comprenne les textes religieux. Il sache à quel moment on va comprendre de ce texte-là Al-Kufr al-Akbar, donc la mécréance majeure, ou alors la mécréance mineure, ou alors Al-Dhulm, tous des mots qu'on va expliquer durant, bien entendu, les cours, Inch'Allah ta'ala. Donc tout ceci, donc, pour faire un rappel et pour préciser aux frères et aux sœurs qu'il faut une concentration par rapport à ces prochains cours. Il faut être concentré. Il faut noter ce qui va être dit. Il faut bien comprendre. Parce que celui qui débute avec de bonnes bases, alors il continuera avec de bonnes bases sur une bonne voie, bi'idhnillahi ta'ala. Et celui qui débute avec des mauvaises bases, alors bien entendu, sa continuation va être telle qu'elle. Le cheikh ici, en introduction, par rapport à ce qui va suivre, et les questions qui vont suivre, il nous dit dans la deuxième partie de sa réponse à la question 160, après nous avoir expliqué que le kufr, ou quelle était l'origine même du kufr, donc al-juhud, والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. Donc il nous avait expliqué cela, on l'a déjà traduit, on l'a expliqué. Également, il nous avait rappelé que الطاعات, donc les obéissances, toutes faisaient partie des branches de la foi. Et il nous a dit le shir, ça c'est un point qui est important, c'est que l'iman, comme on l'a vu dans les cours précédents, elle a des shu'ab, elle a des branches. Le kufr, il a également des shu'ab, il a également donc des branches. Il va nous dire le shir, والمعاصي كلها من شعب الكفر. Les péchés font tous partie des branches du kufr. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Al-ma'asi, écoutez cette phrase. Al-ma'asi, kulluha min shu'ab al-kufr. Tous les péchés font partie des branches de du kufr. Il nous dit, wa qad sumiya fi nusus kathirin minha kufran kama sayati. C'est-à-dire que dans beaucoup de nusus, donc on rappelle le terme an-nusus, qui est donc le pluriel de an-nas. Et quand les savants ils emploient ce terme an-nusus, ça veut bien entendu dire les textes donc du Coran ou de la Sunna. Ça c'est an-nusus. Lorsqu'on entend an-nusus, automatiquement c'est les versets du Coran et c'est les hadiths an-nabawi. Il nous dit que dans beaucoup de textes on va retrouver que ces ma'asi, que ces péchés, ils sont nommés comme étant kufr, comme il va ensuite le développer le shirk. Et ça, c'est donc un point qui est important. Il va dire, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا, si donc tu connais cela, si tu as pris maintenant connaissance, tu as science de cela, que dans beaucoup de textes, al-ma'asi qui eux font partie, min shu'ab al-kufr, qui font partie des branches du kufr, alors, à ce moment-là, si tu as compris cela, tu vas comprendre. عَرَفْتَنَ الْكُفْ كُفْرًا. Tu vas comprendre que le kuf, il est de deux catégories. أَنَّ الْكُفْرَ كُفْرًا. أَنَّ الْكُفْرَ كُفْرًا. Que le kuf, il est de deux catégories. Automatiquement. Parce que le péché, s'il est nommé comme tel, et dans beaucoup de nusus, comme étant du kuf, et sachant que al-ma'asi, les péchés ne font pas sortir de l'islam, alors à ce moment-là, automatiquement, on va en déduire, et les savants donc en ont déduit, qu'il y a automatiquement deux catégories de kufr. Il nous dit le shir, kufrun akbar, yukhriju min al-iman bil-kulliya. Kufrun akbar, yukhriju min al-iman بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي للقول للقلب وعمله لقول القلب وعمله أو لأحدهما. Il nous dit le shir, donc en citant la première catégorie, et qui nous dit kufrun akbar, donc le kufr qui est dit majeur et qui fait sortir de la foi totalement. بالكلية, donc regardez le terme qu'il va employer le shir, من الإيمان بالكلية. Bilkulliya, c'est-à-dire totalement, qui fait sortir donc de la foi. Donc à partir de ce moment-là, la personne devient kafir. À ce moment-là, quel est ce kufr-là? Et c'est là que le shir va employer des adjectifs qu'il va attribuer à ce kufr pour nous faire vraiment comprendre ce qu'est ce kufr. Il nous dit, oh, al-kufr al-i'tiqadi. Al-i'tiqad qui est bien entendu la croyance. Donc c'est un kufr qui est en rapport à la croyance, ou c'est une mécréance propre à la croyance. Ou al-kufr al-i'tiqadi. Il nous dit le shir al-munafi. Al-munafi. Donc tous ces termes sont importants. Ils sont employés avec précision. Et ils ont une compréhension où ils nous donnent un sens qui est précis. Il nous dit al-munafi. C'est-à-dire donc qui va yunafi. Qui va donc totalement nier. Qui va donc être totalement contradiction, au contraire, les qawli al-qalb wa amalihi, ou li ahadihima, qui va être donc contraire à la parole du cœur, et son acte, c'est-à-dire wa amal al-qalb, et donc l'acte du cœur, ou li ahadihima. Donc soit les deux en même temps, ou alors l'un ou l'autre. Taïb, ça c'est important. Parce que ce n'est pas obligé qu'il y a les deux en même temps. S'il y a un des deux, ça suffit donc pour rentrer dans al-kufr al-i'tiqadi, et qui va donc ici contraire à qawl al-qalb wal-amal. Qawl al-qalb. Le shir, il va revenir sur ce terme, et surtout dans la question qui va suivre, et également dans les autres questions. Et on va s'apercevoir que lorsque les savants parlent de qawl al-qalb, ils veulent dire par là at-tasdiq. Ils veulent dire par là at-tasdiq. Naam. Et si on retrouve donc les paroles également du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, kama fi majmu' al-fatawa, à la tome 1 et à la page 125. où le cheikh dit wa aslul iman qawlul qalb alladhi huwa at-tasdiq alladhi huwa at-tasdiq. Donc ce terme at-tasdiq ici, ça va être ce qui est voulu par qawlul qalb, c'est-à-dire la parole du cœur. On sous des termes techniques mais qui sont employés par les savants, qui sont importants à comprendre dès maintenant. Comme on l'a dit, on va beaucoup insister sur la terminologie parce que c'est à partir de là que ça commence, pour donc mettre en place des bases qui vont être solides pour celui qui vraiment apprend la science. Qawlul qalb alladhi huwa at-tasdiq. Donc lorsqu'on a dit at-tasdiq, qu'est-ce qu'il veut dire ce terme? C'est le contraire de at-takdhib. Donc c'est le fait de rendre vrai, de croire, de rendre vrai. Et lorsqu'on dit at-tasdiq, ce n'est pas mujarrad at-tasdiq, ce n'est pas un simple at-tasdiq, c'est-à-dire tout ça de dire. Peut-être que toi maintenant tu peux rendre vrai une chose, c'est-à-dire croire que c'est la réalité, mais ne pas la suivre, et ne pas vouloir la suivre. Et ne pas vouloir la suivre. Ça ne va pas faire de toi ici un musulman. Ça ne va pas faire de toi un musulman. C'est pour ça que lorsqu'il dit at-tasdiq, bien entendu, et ça, lorsqu'on va revenir également à d'autres passages, ça également c'est un point qui est important. Lorsqu'on dit at-tasdiq, ça c'est un exemple donc ici qui va être pris pour expliquer une chose. C'est-à-dire que comme dans An-Nusus, comme dans les textes qui sont tirés du Coran et de la Sunna, on va s'apercevoir que pour comprendre certains textes, il faut revenir à d'autres textes. Que certains termes sont employés de façon générale et pour les comprendre, il faut revenir à d'autres textes qui eux vont nous prouver que ce terme-là, il va avoir une acceptation beaucoup plus restreinte, taïb, et que c'est en réalité al-maqsoud, c'est ce qui va être voulu par le législateur. De même chez la parole des savants, de même chez les paroles des savants, on va s'apercevoir que des savants nous expliquent des points de la religion par des phrases. Certains mots qui vont être employés vont peut-être être employés de façon générale, mais lorsqu'on va revenir à d'autres passages dans les livres de ces mêmes savants, on va s'apercevoir ici beaucoup de termes ont une acceptation beaucoup plus restreinte, taïb, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là et c'est à ce niveau-là que les gens de l'innovation ils vont jouer, que les gens de l'innovation en réalité vont prendre ce que eux ils ont besoin pour affirmer leurs fausses croyances ou pour affirmer des choses qui sont en réalité contraires à ce qu'a voulu le shir, ou alors avant cela des choses qui sont contraires à ce que a voulu Allah Azzawajal dans son Coran ou a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Ça c'est une méthode qui est employée, une méthode connue qui est la méthode en réalité principale des gens d'innovation qui vont prendre ce qu'ils veulent parmi les paroles des grands savants et qui vont tout simplement les utiliser pour ensuite appuyer et prouver donc leurs fausses règles. Et si on regarde bien ensuite, on va s'apercevoir que ce qu'ils ont pris, c'est simplement une partie, ou c'est un passage, et que dans un autre passage, du même livre, ou d'un autre livre encore, du savant, on va s'apercevoir réellement ce qu'il a voulu dire, le shir, en revenant donc au terme qu'il a expliqué, et peut-être qu'à ce moment-là, le terme, il aurait été utilisé de manière beaucoup plus restreinte, ce qui va nous faire vraiment comprendre ce qu'a dit le shir. Taïb, et c'est ça en réalité le minhaj et la méthode des gens de la sunna du consensus. Pourquoi? Parce que les gens, ils prennent, ces gens-là, les gens qui ont suivi le haqq, ils prennent tous les textes et ils les rassemblent pour les comprendre. De même, par rapport aux paroles des savants, ils prennent les textes des paroles des savants et ensuite ils comprennent donc ce qu'a voulu dire les savants. Donc, la science, ce n'est pas une chose qui est simple. Très attention, lorsque une personne peut avancer une parole d'un shir et en voulant par là prouver ce que lui il veut de par son hawa, de par sa passion, taïb, on sait tout simplement prendre ce que eux ils veulent et délaisser ce qui est contraire à ce que ils ont pris pour passion. Donc ça c'est un point qui est très très important. Ce que le shir il dit at-tasdiq, ce n'est pas le mujarrad at-tasdiq comme on va le voir ou comme cela est expliqué par lui-même, par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans beaucoup d'autres passages de ses livres, que ce soit dans Majmu' al-Fatawa, que ce soit dans son livre al-Iman, Kitab al-Iman, ou d'autres livres encore. Ce qu'il veut dire ici, at-tasdiq, et comme nous l'avait, kama abbara al-Sheikh Hafir, précédemment lorsqu'il avait dit at-tasdiq al-id'ani, c'est-à-dire un tasdiq qui va automatiquement impliquer une soumission, wal-inqiyad, une soumission et une obéissance. Ça c'est at-tasdiq al-id'ani, comme l'avait dit le shir, al-mustalzim lil-inqiyad bit-ta'a. Donc on voit bien maintenant comment on va comprendre ce terme at-tasdiq, et que ce n'est pas mujarrad at-tasdiq, simplement reconnaître vrai une chose, Pourquoi? Parce qu'on va s'apercevoir que beaucoup des gens au niveau de l'innovation, comme Al-Jahmiya et d'autres, ils vont dire que simplement reconnaître vrai une chose, ça suffit pour faire partie des gens de l'Iman. Wallah musta'an. Donc ils vont dire c'est mujarrad at-tasdiq, c'est tout simplement at-tasdiq, rien d'autre. Rien d'autre. Alors que c'est réellement une croyance qui est fausse. Sinon, il aurait fallu dire que Pharaon est un musulman, parce qu'il a reconnu la vérité, Pharaon. Il savait au fond de son cœur que c'était bel et bien la vérité de son Seigneur. Mais malgré cela, il n'a pas voulu croire et il n'a pas voulu suivre le prophète. De même, Iblis, Ya'rif, c'est-à-dire que Saddaqa, Yusaddiq, Iblis savait bien que c'est l'ordre de son Seigneur. Il avait bien science de cela et il avait bien reconnu de par son cœur que c'est bel et bien l'ordre de son Seigneur. Mais pourtant, il n'a pas cru. Et il a délaissé l'ordre. Wajahada. Donc, ça a fait de lui et de Pharaon et de tous ceux qui les ont suivis des koufars. On ne peut les faire entrer dans les gens de la foi, comme l'ont fait beaucoup de gens de l'innovation. Donc, on voit bien ici, lorsque Cheikh al-Islam, lorsque également Cheikh Hafid, dans d'autres passages qu'on va voir, lorsqu'il dit fa'inahu at-tasdiq, donc le fait de rendre vrai, on comprend bien ici celui qui implique al-istislam, al-id'an, al-inqiyad, ce qui va impliquer donc la soumission, qui va impliquer donc le fait de se soumettre, le fait d'obéir. Tayyib, ça c'est pour qawl al-qalb. Donc on a compris ce qui est voulu par qawl al-qalb. Donc si maintenant la personne, de par sa croyance, on est bien ici, fil kufr al-i'tiqad, donc al-i'tiqad, de par sa croyance, il va mécroire. De par sa croyance, donc il va mécroire, il va être mécréant. Tayyib, al-munafi li qawl al-qalb, la parole du cœur, qui va donc contraire à la parole du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire donc, à partir de là? C'est tout simplement que lui, il n'aura pas cru à cela dans son cœur, et il n'aura pas reconnu vrai cela, en ayant bien entendu ici, c'est-à-dire en ayant donc impliqué ce qu'on appelle donc la soumission, al-id'an, ou al-istislam, ou al-khudu', etc. Taïb, donc lui tout simplement, il n'a pas cru. Ici, il n'a pas cru. Non-croyance, il n'a pas cru en cela, même s'il peut le reconnaître, il peut reconnaître que c'est véritable, mais il ne veut pas y croire et il ne veut pas donc suivre cela. À partir de là, c'est al-munafi li qawl al-qalb. Ça rentre ici dans la parole du shir, al-munafi li qawl al-qalb. Donc, qui va contraire de la parole du cœur. Et on a compris ce que voulait dire la parole du cœur. Wa amalihi. Il nous a dit le shir donc, wa amalihi. Et lorsqu'il nous a dit ensuite, aw li ahadihima, on a compris que il suffisait que ce soit contraire à la parole du cœur pour qu'il sorte de l'islam et qu'il ne fasse pas partie des musulmans. Et il nous dit donc, wa amalihi, il se peut donc qu'il vienne s'ajouter cela. Il se peut qu'il vienne s'ajouter donc cela. Wa amalihi. Qu'est-ce que maintenant wa amalihi? Donc, ad-damir yarja' ila al-qalb. Donc, ici amal al-qalb. Ici donc, amal al-qalb. L'acte du cœur. Qu'est-ce que l'acte du cœur maintenant? Lorsque les savants nous parlent de qawl al-qalb, fi mas'alat al-kufr, ou fi mas'alat al-iman, lorsqu'ils nous parlent de qawl al-qalb, lorsqu'ils nous parlent de amal al-qalb, amal al-qalb, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on a compris qawl al-qalb. On va maintenant comprendre ce qu'est amal al-qalb. Amal al-qalb, on va revenir, ce que va dire également Hafiz, ça on va y revenir, Inch'Allah, on s'apercevra qu'à la suite, il va lui-même l'expliquer. Et si on revient ainsi à d'autres paroles de Cheikh al-Islam, toujours fait majmou' al-fatawa, lorsqu'il avait dit, wa asul iman, donc la base de la foi, wa qawl al-qalb, alladhi wa tasdiq, wa amal al-qalb, huwa al-mahabbatu ala sabil al-khudu'a. Huwa al-mahabbatu ala sabil al-khudu'a. C'est tout simplement donc l'amour, mais cet amour-là donc qui va être accompagné de quoi al-khudu' qui est donc al-khudu' qui est qu'on peut traduire également par la soumission. Al-khudu' al-istislam, tous les termes qui sont proches les uns des autres et que l'on peut traduire par la soumission. Le fait de se soumettre, le fait d'obéir, tayyib. Donc c'est ce qui est voulu par amal al-qalb ou al-mahabba, c'est donc l'amour. L'amour qui va donc accompagner de cette soumission. Tayyib. Et également dans d'autres passages, on va voir que lui-même Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yufassir, c'est-à-dire qu'il nous donne l'explication de amal al-qalb et il nous dit wa huwa al-inqiyad, wa huwa al-inqiyad. Donc al-inqiyad qui est bien entendu l'obéissance, le fait d'obéir à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est amal al-qalb. Et dans d'autres passages également, on va comprendre ensuite, si on les réunit, que amal al-qalb, c'est donc al-hub, l'amour, ou al-inqiyad, donc la soumission, le fait de se soumettre et le fait également d'obéir. Ça c'est amal al-qalb. Donc de par son cœur, qui est bien entendu al-mahabba, l'amour, cet amour-là, ça fait bien entendu partie des actes du cœur, l'amour. Et l'inqiyad qui va partir en réalité, cette soumission et cette obéissance qui va partir également du cœur. Et également ce qui va rentrer dedans, dans amal al-qalb, et ce qui est voulu ici par le shir, al-niyah wa l'ikhlas. Al-niyah wa l'ikhlas. Donc l'intention, bien entendu cette intention c'est un acte, et c'est un acte du cœur. Wa l'ikhlas, et également donc al-ikhlas, donc al-ikhlas qui est la pureté d'intention. Qui est la pureté d'intention. Et pour ce qui est donc al-niyya wa al-ikhlas, comme il va le préciser Shir Hafidh à la question 161, lorsqu'il va lui-même dire, naam, lorsqu'il va dire wa amal al-qalb wa niyyat wa al-ikhlas, on va comprendre bien entendu par ici que l'intention, c'est lorsque la personne, son intention pure, est tout simplement un autre qu'Allah. Un autre qu'Allah, rien d'autre. Et qu'il n'a aucune ikhlas, qu'il n'a absolument aucune ikhlas, cette personne-là. Bien entendu, ça va être le cas à faire. C'est-à-dire que lorsqu'il adore, il adore un autre qu'Allah Azzawajal. Donc il ne peut avoir automatiquement un ikhlas. Sa niya, son intention lorsqu'il va adorer, c'est d'adorer un autre qu'Allah. Donc on voit ici que c'est, au niveau de niya ou l'ikhlas, c'est tout simplement sa disparition totale. C'est là donc la disparition totale. Ça ne veut pas dire donc par là, lorsque le shir, donc il a expliqué ce que c'était amal al-qalb, et qu'il a dit que al-kufr al-i'tiqadi c'était contraire donc à amal al-qalb, et donc par là que ça faisait sortir de l'islam, et ensuite qu'il explique que c'est un niya wal-ikhlas, il ne faut pas comprendre par là que c'est lorsqu'on dit un niya wal-ikhlas, il ne faut pas comprendre que c'est celle qui va être présente chez le musulman, même. Parce que le musulman, même s'il va avoir un ikhlas qui est des plus bas, et qu'on ne veut pas, on ne va pas l'appeler donc ensuite mukhlis, dans le sens où il y a un grand ikhlas, il y aura toujours un degré d'ikhlas. Il y aura toujours donc également, si sa niya n'est pas bonne, il est pris d'ostentation, il va également avoir malgré tout une intention qui va avoir un degré des plus faibles, mais qui va être pour Allah. Il va lui rester quand même un degré d'intention, il va lui rester malgré un degré d'ikhlas, même s'il est rentré dans l'ostentation. Pourquoi? Parce que si ce n'aurait pas été le cas, et que sa niya totalement, elle aurait été pour un autre qu'Allah, et que son ikhlas aurait été un autre qu'Allah, alors cette adoration serait devenue de façon mahr, et de façon donc pure, pour un autre qu'Allah. Et à ce moment-là, ça c'est l'affaire du kafir. Ça c'est l'affaire donc du mécréant. Donc il faut bien comprendre ces termes lorsqu'ils sont employés, et au moment où ils sont employés, et comment donc les comprendre. Donc on reprend, pour ce qui est qawl al-qalb, c'est al-tasdiq, on a bien dit le ma'na al-tasdiq al-idhani, comme c'était précisé auparavant, et également pour ce qui est donc amal al-qalb, c'est donc al-hub wal-inqiyad, al-hub wal-inqiyad, donc l'amour et l'obéissance, la soumission, et également al-niyat wal-ikhlas, al-niyat wal-ikhlas, donc l'intention et al-ikhlas, la pureté d'intention. Si ces deux sont réunis, et qui sont donc ici non présent, alors à ce moment-là, personne est un kafir. Un kafir qui n'est non musulman. Un mécréant qui n'est donc pas musulman. Aou, il nous a dit le shir, aou li ahadihima. Il suffit qu'un des deux disparaisse pour qu'également, donc, la personne ne fasse plus partie, fidalet l'islam, c'est-à-dire dans le cercle de l'islam, et qu'il sort donc de l'islam, ou alors qu'il n'est pas dans l'islam dès le départ. Tayyib, donc il a bien dit le shir, والكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما أو لأحدهما. Ça donc c'est pour ce qui est du al-kufr akbar, et qui est donc le kufr propre à la croyance. Le cheikh ensuite il dit wa kufrun asghar, et ça donc c'est la deuxième catégorie du kufr, et qui est lui dit mineur. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici le cheikh? Yunafi kamal al-iman, yunafi kamal al-iman wa la yunafi mutlaqahu wa huwa al-kufr al-amali الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. Il nous dit donc le chéri, c'est nous donnant une définition qui va être précise pour ce qui est du kufr al-asghar, pour ce qui est de la mécréance mineure. Il va nous dire que elle est contraire à quoi? Un terme qui est important à comprendre, kamal al-iman. Donc la foi parfaite. La foi parfaite, kamal al-iman. La foi qui va être dite parfaite. À ce moment-là, ce kufr qui est dit mineur, il va être contraire à la foi qui est dite parfaite. Et non, il nous dit le shirk, voilà une nafi mutlaqahu. C'est-à-dire qu'il n'est pas contraire à ce que l'on va traduire par l'absolu de la foi. La foi absolue. C'est-à-dire par là, la foi, la base même de cette foi-là. Asl iman. La yunafi mutlaqahu, c'est-à-dire asl iman. C'est-à-dire la base même de la foi. Pourquoi? Parce qu'il serait été, si ça aurait été contraire à cela, on serait entré donc dans la première catégorie. Si on aurait dit yunafi mutlaqahu, c'est-à-dire donc mutlaq al-iman, donc ce qui veut dire asl al-iman, on serait entré donc dans la deuxième ou dans la, enfin, la première catégorie, le kufr al-kufr al-akbar. Ici c'est donc bien le kufr al-asghar. Pourquoi? Parce qu'innahu la yunafi mutlaqahu ou al-kufr al-amali. Et qu'est-ce que c'est? C'est le kufr al-amali. C'est ce qu'on va dire ici, l'adjectif qu'on va lui donner à ce kufr, el kufr el amali, qui est donc la mécréance propre à l'acte. La mécréance propre à l'acte. Alors que dans l'autre, el kufr el akbar, c'était bien la mécréance propre à la croyance. El kufr el i'tiqadi. Ici, c'est el kufr el amali. Et bien entendu, et ce qui va de soi, si on a bien compris la première catégorie, n'est pas en contradiction avec la parole du cœur et son acte. Et on a compris ce que c'était la parole du cœur et son acte. Non, elle ne va pas en contraire. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a un tasdiq. C'est-à-dire tout tasdiq. Bil-id'an ou bil-istislam. C'est-à-dire qu'elle reconnaît vrai et elle y croit, elle a la foi et cela implique bien entendu sa soumission. Et par rapport à l'acte du cœur, cette personne-là, elle a le choub. Elle a l'amour. Elle a un amour et bien entendu des degrés ici d'amour. Ça ne veut pas dire lorsqu'on dit la personne a l'amour, qu'elle a un grand amour. Elle pourra un amour qui est très faible, ça c'est des degrés bien entendu. Elle choub ou l'inqiyad, de même, elle a l'obéissance. Cette obéissance peut être faible également, peut être forte. Donc on voit que on est bien ici en des questions de degrés, mais qu'il reste toujours ce asl al-choub ou asl al-inqiyad, qu'il va toujours rester donc cette origine même, cette base même du choub qui est dans le cœur du musulman. Et également donc un niya ou l'ikhlas, qui va donc lui avoir une niya ou un ikhlas, et également ici une question de degré, pour bien donc faire la différence entre tout ce qui était dit dans la première catégorie et la deuxième catégorie, et pour comprendre donc ensuite ces deux catégories et ce qu'elles impliquent. Taïb. Ensuite à la question 161, on passe à la question 161. Et également ce que l'on va faire, je pense qu'après avoir fini la question 161, on va également donner ou éclairer des termes qui sont importants et qui vont être ensuite utilisés par le shirk, c'est-à-dire les termes comme le shirk, un nifaq, etc. Et voir la différence qu'il y a entre eux. Et voir également comment al-kufr est utilisé dans le Coran, ce terme al-kufr est utilisé dans ce Coran, de quelle manière et à quel moment on sait si c'est un kufr qui est akbar, on sait si c'est un kufr qui est asghar, et donner donc des exemples par rapport à cela. Et également voir que d'autres termes viennent dans le sens du kufr. Comme le shirk, et ça on va le voir à travers des versets, le shirk vient parfois avec, dans le sens du kufr. Et on va voir également les divergences des savants. Est-ce que le kufr, c'est exactement comme le shirk? Ces deux termes sont synonymes, ou alors qu'il y a bel et bien entre eux des différences. Et également pour ce qui est du zulm, Et également, pour ce qui est du fisq, tous ces termes-là, ils sont employés dans le Coran, et de quelle manière ils sont employés dans le Coran. C'est ce qu'on fera en supplément par rapport à ce que dit le shir. Comme on l'a dit en début de cours, pour insister sur la terminologie, et pour continuer également ensuite dans le texte que l'on étudie du shir, et également, comme on l'a dit, pour comprendre par la suite des règles qu'on va donner également en supplément et qui concernent les takfir, yani bawabit takfir, c'est-à-dire les règles qui sont en relation avec le takfir, donc le fait de rendre mécréant. Le shir, il pose la question là, numéro 161, qui va venir en réalité donner plus d'éclaircissement à ce qui était dit précédemment. Il nous dit le shir, bayyin kayfiyat munafati al-kufr li'i'tiqad lil-iman bil-kulliyya wa fassil li ma ajmaltahu fi izalatihi iyyah. Je répète, bayyin kayfiyat munafati al-kufr li'i'tiqad lil-iman bil-kulliyya wa fassil li ma ajmaltahu fi izalatihi iyyah. C'est quoi cette question? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc expliquez-moi. Donc on voit que si le shir pose la question comme s'il posait la question à son élève. Et il dit, expliquez-moi comment l'incroyance qui est donc propre, ou la mécréance qui est propre à la croyance, ou ce qu'on pourrait traduire également par l'incroyance dogmatique. Mais on reprend le terme, elle couvre donc mécréance, et à l'irtiqadi qui est la croyance, donc la mécréance qui est propre à la croyance. Contredit-elle complètement la foi? Donc de manière complète, bilkulliya, donc asla l'iman. Ici on est bien dans la base de l'iman. On est bien dans la base de l'iman et non kamel l'iman. Qu'on voit déjà la différence au niveau des termes employés. Il dit bien le shir, l'iman et bilkulliya. Bayin kayfiyat al-munafat al-kufr li'i'tiqadi l'iman bilkulliya. Wa fassil li ma ajmaltahu fi izalati iyya. Et donc développer ce que vous avez résumé concernant le fait qu'elle annule la foi. Donc ce qui était dit au précédemment, on va en faire donc. On va ici détailler. Il nous dit donc le shir ensuite, قَدْ قَدَّمْنَا لَكْ أَنَ الْإِيمَانِ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. On a bien vu auparavant, dans les cours bien avant, c'est-à-dire, on avait fait une révision de cela, mais sinon dans les cours qui sont venus il y a assez longtemps, lorsqu'on avait expliqué ce qu'était l'iman chez les gens de la sunna du consensus, que c'est قَوْلٌ وَعَمَلٌ. قَوْلٌ وَعَمَلٌ, donc parole et acte. Et lorsqu'on dit qawl, wa qawlu al-qalb wal-lisan, wa amalu al-qalb wal-lisan wal-jawarih. Donc il nous fait un rappel de shir ici. Fa qawlu al-qalb, donc la parole du cœur, c'est at-tasdiq. Donc on revoit bien ici le terme qawlu al-qalb, lorsqu'on dit donc la parole du cœur, c'est at-tasdiq. Donc ici, on revient à ce terme. Wa qawlu al-lisan wa at-takallum bi kalimati al-islam. Donc la parole qui va être dite par la langue, c'est en réalité ash-shahada bi kalimati al-islam, qui est la ilaha illallah. Ensuite, donc ça c'est ce qui est du qawl. Donc le qawl, il est en relation avec al-qalb, il est en relation avec al-lisan, lorsqu'on a dit qawl. Ensuite al-amal. Al-amal, il est en relation avec quoi? Avec le qalb, comme on l'a vu précédemment. Wa amal al-qalb. Et c'est là qu'on va voir que le shir dit amal al-qalb, donc l'acte du cœur, ou al-niyat ou al-ikhlas. Ou al-niyat ou al-ikhlas, donc l'intention et la pureté d'intention, l'ikhlas. La pureté d'intention. Et également, qui ramène le qalb, comme on l'a vu auparavant, d'après les paroles de Shir al-Islam et d'autres savants encore, qui rentre dedans, al-mahabba, l'amour, al-mahabba, al-hub, ou al-inqiyad, et al-inqiyad, donc l'obéissance, le fait de se soumettre. Ensuite, wa amalul jawarih, donc on a voulu par amal, ramène le qalb, wa amalul jawarih, et il dit, wa al-inqiyad bi jami' al-ta'at. Ici, amal al-jawarih, jawarih, qui sont les membres. Donc c'est l'acte des membres. Et lorsqu'on dit l'acte des membres, c'est tout simplement l'obéissance ou la soumission à Allah Azzawajal en accomplissant toutes les obéissances. Al-ta'at. Il nous dit le shir, après avoir bien compris cela, et ici, c'est à titre de révision, pour ceux qui ont déjà suivi les cours auparavant, si on a bien compris cela. Ensuite, il dit le shir, فَإِذَا زَالَتْ جَمِيعُ هَذِي الْأَرْبَعَ. Si ces quatre, tous ensemble, ont disparu, et il veut dire par là le shir. Il veut dire قَوْلُ الْقَلْبِ. قَوْلُ الْقَلْبِ, qui est donc التصديق. وَعَمَلُ, qui est donc النِّيَة والإخلاص, également الحب والقياد. وَقَوْلُ الْلِسَانِ. وَقَوْلُ الْلِسَانِ, donc Qawlul lisan, qui est ici le troisième, Qawlul lisan, donc la parole de la langue, donc le fait de prononcer shahada. Et ensuite le quatrième, wa'amalul jawarih, et donc tous les actes que l'on fait par tous nos membres. Il dit le shir, zala al-iman bil kulliya, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la foi elle a disparu, totalement, plus de foi. C'est-à-dire que la personne qui est dans cet état-là, c'est un mécréant. Taïb. Donc c'est à ce moment-là qu'on va bien comprendre que si ces quatre disparaissent, alors à ce moment-là, c'est terminé. Et nous dit le shir, wa idha zala tasdiq al-qalb lam tanfa al-baqiya. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que il nous a bien dit que si les quatre disparaissaient, donc qawl al-qalb wa 'amal al-qalb wa qawl al-lisan wa 'amal al-jawarih, si ces quatre disparaissent, la personne sort de l'islam totalement, et en réalité elle a aucune foi dans son cœur, aucune foi. Et il nous dit ensuite, pour revenir à ce qui était dit précédemment, si ça ne veut pas dire qu'automatiquement il faut qu'il y ait les quatre, il se peut qu'il y en a un qui disparaisse, et il va nous préciser lequel c'est, comme on l'a vu donc auparavant, pour que le reste donc également n'a plus aucune valeur. Il nous dit وَإِذَا زَالَ تَصْدِقُ الْقَلْبُ لَتَنْفَعَ الْبَقِيَّةِ, c'est-à-dire que le تَصْدِق الْأَنْ, donc تَصْدِق الْقَلْبُ, donc le fait que le cœur reconnaisse la vérité et qu'ensuite se soumette, comme on l'a bel et bien compris ce que voulait dire le terme تَصْدِق et l'acceptation qu'il avait dans les textes des savants, alors la tanfa' lam tanfa' al-baqiyah, c'est-à-dire qu'elle n'aura aucune utilité pour le reste, aucune utilité pour le reste, même si la personne maintenant elle fait des actes d'adoration de par son cœur et si elle prononce la shahada, mais si de par son cœur en réalité, et ça c'est l'exemple des al-munafiqin, des hypocrites, ce tasdiq al-qalb il a disparu, alors tout ce qu'il fera ensuite n'aura plus aucune valeur. C'est pour ça qu'il dit le shir lam tanfa' al-baqiyah. فإن التصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. طيب. Ensuite donc il nous dit le shir, pour bien nous faire comprendre que تصديق القلب c'est une condition, شرط, c'est une condition dans sa croyance, في اعتقادها وكونها نافعة, c'est-à-dire que s'il n'y a plus ce تصديق dans le cœur, donc le fait de reconnaître vrai, et que cela implique donc à l'islam, alors si cela n'est plus présent, alors il n'aura plus aucune utilité pour le reste. Pourquoi? Parce que c'est bel et bien ce tasdiq al-qalb, c'est bel et bien un shart dans la croyance, c'est bel et bien la condition même dans la croyance. Il nous dit le shahadik d'exemple, comme celui qui va en réalité mécroire au nom d'Allah et à ses attributs, ou alors qu'il va mécroire en quelque chose par lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé ses prophètes ou a fait descendre ses livres. À partir de là, si la personne mécroit en cela, alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le reste ne sera plus d'aucune utilité pour lui, parce qu'il n'y aura plus de tasdir à ce moment-là, parce qu'il aura renié à titre d'exemple les noms d'Allah ou ses attributs, ou il aura renié de par son cœur, et donc à titre de croyance ici, il aura renié une chose ou avec laquelle est venu Allah Azza wa Jalla, que ce soit de par ses prophètes, que ce soit de par ses livres. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est très important de le comprendre et avec précision, et que ça soit très clair, que ce soit très clair auprès de chacun, pour qu'ensuite qu'on comprenne tout ce qui va arriver, parce que d'autres terminologies vont arriver et qui vont donc s'accumuler à ce qu'on a déjà dit, et qui vont avoir automatiquement une relation, et qui vont donc nous permettre de comprendre ensuite, de par tout ce qu'on aura expliqué, de façon beaucoup plus claire nos sources, c'est-à-dire donc les textes. Donc c'est pour ça qu'il faut être concentré à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et ensuite savoir faire donc la synthèse. Wallahu musta'an. Également pour continuer, le shir nous avait bien dit, et si on se rappelle donc maintenant, la personne qui se rappelle bien ce qu'on a dit dans la première question, il avait bien dit le shir dans la première question, parce qu'il a parlé du kufr al-akbar, il a dit al-munafi li qawli al-qalb wa 'amali aw li ahadim. Donc on a bien dit que ce soit la parole du cœur, soit déjà maintenant il vient de l'expliquer le shir. Pourquoi la parole du cœur? Et qu'est-ce que la parole du cœur? Si elle n'est plus présente, elle s'est dissipée totalement, qu'elle n'a plus aucune valeur. Et tout ce qui vient après n'a plus aucune valeur. Donc il a expliqué. Il avait bien dit le shirk wa amali, c'est-à-dire et wa amali, c'est-à-dire et son acte. Et il avait ensuite dit aouli ahadima, aouli ahadima, c'est-à-dire ou alors l'un des deux. Et c'est pour ça donc ensuite il va revenir sur le deuxième ici qui est l'amal, amal al-qalb. C'est pour ça qu'ensuite il dit wa inzala amal al-qalbi ma'a i'tiqad as-sidq fa ahlu sunnati majma'un ala zawal al-iman kulli. بزوالي أنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب مع انتفاء عمل القلب. طيب il nous dit le shir donc pour ce qui est de la parole du cœur. On a vu ce que c'était la parole du cœur, on a vu ce que c'était, c'est donc النية والإخلاص, النية والإخلاص également donc الحب والإنقياد. Il nous dit le shir que si cet acte du cœur zal, c'est-à-dire donc se dissipe, disparaît. Ma'irtiqad as-sidq. Ma'irtiqad as-sidq. Ici, on va bien comprendre également mas'alat at-tasdiq, comme on l'avait expliqué auparavant, lorsqu'on avait dit qu'est-ce qu'ils voulaient dire les savants, que ce soit les paroles de Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, les paroles de Cheikh Hafid, parce qu'ils avaient parlé de at-tasdiq uniquement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce terme at-tasdiq? Et il nous dit le shir ici, il nous fait comprendre que si cet acte du cœur disparaît totalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de hub, aslan il n'y a plus de hub, il n'y a plus de niya, plus aucune intention, et qu'il n'y a plus aucune ikhlas, c'est-à-dire qu'elle est dissipée totalement, on dit bien ici de manière totale, alors il nous dit le shir que si cela disparaît, alors ça ne sera aucune utilité pour la personne, même si elle est convaincue que c'est la vérité. Et pourquoi cela? Parce qu'il va nous dire le shir, فَأَهْلُ سُنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى زَوَالِ الْإِيمَانِ كُلِّ بِزَوَالِهِ. C'est-à-dire les gens de la sunna, regardez bien, les gens de la sunna مُجْمِعُونَ, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord, sans aucun irtilaf entre eux, que la foi disparaît totalement, عَلَى زَوَالِ الْإِيمَانِ كُلِّ, que la foi disparaît totalement si disparaît quoi? Bizawali, il revient ici à Damir, il revient à quoi? À Amal al-Qalb, à l'acte du cœur, à l'acte du cœur. Wa annahu la yanfa'u at-tasdiq ma'a intifa'i 'amal al-qalb. Et qu'il n'a le tasdiq, donc ici le fait de reconnaître vrai, n'a aucune valeur, le fait qu'on reconnaisse vrai quelque chose n'a aucune valeur si 'amal al-qalb, donc de l'acte du cœur, est dissipé et n'est plus présent et réduit à néant. Amal al-qalb, donc al-niya wa al-ikhlas al-hub wa al-inqiyad. Et il nous dit ici le shir huwa mahabbatu wa al-inqiyad. Donc on voit bien ici que le shir a repris donc les termes qu'avait déjà employé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il a repris donc ici mahabbatu, on a déjà expliqué donc wa al-inqiyad. Donc on voit bien ensuite que le shir hafir, lorsqu'on réunit donc toutes ces paroles par rapport à amal al-qalb comme l'a fait également Cheikh al-Islam, on revoit bien donc ce qu'on avait dit. C'est al-niya, al-ikhlas, al-mahabba wa al-inqiyad. كما لا ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركون أو المشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. Donc il nous dit ici, comme cela n'a aucune valeur, cela donc s'applique à qui? À ces personnes-là, comme Iblis, comme on l'avait déjà expliqué en début. Comme Iblis ou Pharaon. Iblis, il reconnaît que c'est la vérité de son Seigneur. Il reconnaît que l'ordre, c'est la vérité de son Seigneur. Pharaon, il a bien reconnu, il a bien su que c'est l'ordre de son Seigneur. Ce qui est descendu, ça vient de son Seigneur. Il le savait bien, Pharaon. Est-ce que ça fait le fait qu'il reconnaisse cela au fond de son cœur, que c'est une vérité? Est-ce que ça a fait celui un musulman? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu intifa amal al-qalb. Il y a eu l'acte du cœur était réduit à néant. Il n'y a pas eu donc de hub, il n'y a pas eu d'une qiyad, de soumission, et il n'y a pas eu de quoi? De niya, il n'y a pas eu d'intention. À la base, il n'y a pas eu de ikhlas totalement. Taïd. De même pour ce qui est des yahout, les juifs également, ils ont bien su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui était envoyé d'Allah azza wa jalla. Ils l'ont su. Ils ont eu les preuves, ils le savaient bien. Ils l'attendaient. Mais ils n'ont pas voulu croire à lui. Pourtant, ils le savent au fond de leur cœur. Ce tasdiq, est-ce que ça a fait d'eux des musulmans? Abadan. De même al-mushrikin, de même les polythéistes qui ont reconnu, comme ils disaient, qui ont reconnu de façon en secret et de manière publique Il disait donc que ce n'est pas un menteur, mais nous ne le suivons pas et nous ne croyons pas en lui. Donc on voit bien ici que s'il n'y a pas le amal al-qalb, et même si le tasdir est présent, mais on a dit mujarat tasdir, c'est-à-dire tout simplement, uniquement le fait de reconnaître vrai, alors cela n'a aucune valeur. Et de par là, donc on va savoir l'égarement de beaucoup de sectes, que ce soit parmi les Jahmiya et d'autres encore, et d'autres sectes encore, et qui, eux, ont dit que celui tout simplement qui reconnaît la vérité, c'est en réalité quelqu'un qui a l'imène, à la foi. On voit que c'est bâti. Sinon, il aurait fallu dire à ce moment-là que Iblis c'est un croyant. Il aurait fallu dire que Pharaon c'est un croyant. Il aurait fallu dire que les Yahoud c'est des croyants, etc. Donc on voit le façade à l'alcool, ou à l'irtiqad. On voit donc que c'est une croyance qui est totalement fausse. Une parole qui est totalement, qui est dénuée de toute vérité. Ensuite, le shir va bien entendu parler de Aqsam al-Kufr al-Akbar. Mais avant cela, comme on a dit, on va rappeler beaucoup d'autres termes. Et l'emploi de ces terminologies dans le Coran, que ce soit le Kufr, que ce soit également, on va voir, le shirk, le fisq, le dhulm, etc. Pour bien ensuite vous comprendre par la suite ce qu'on expliquera également, ce qui va rentrer donc dans Qawaid al-Takfir. Donc, Inch'Allah, je pense qu'on va laisser ça pour la prochaine fois. Hein. Yannis, ça suffit pour aujourd'hui, Bidnillah, ce qu'on a dit. Non? Non, ça suffira donc pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et ensuite, on continuera donc, parce qu'on va passer à beaucoup de versets du Qur'an et voir comment Allah tabaraka wa ta'ala a utilisé le terme kufr et ses dérivés dans le Qur'an. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est très important. Très très important. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.